Nous allons maintenant voir un exemple de méditation en détail pour éveiller la Kundalini. 1. Introduction à l'éveil de la Kundalini par la méditation. Bienvenue dans le monde fascinant de l'éveil de la Kundalini par la méditation. Dans cet article, nous allons plonger dans la pratique complexe de la méditation Kundalini et explorer son potentiel pour éveiller l'énergie dormante de la Kundalini en nous. L'énergie Kundalini est considérée comme une force puissante qui réside à la base de notre colonne vertébrale, souvent représentée comme un serpent enroulé. Grâce à des pratiques de méditation dédiées, nous pouvons activer cette énergie, lui permettant de s'élever et de traverser notre système de chakras, conduisant à un éveil et une transformation spirituelle profonde. Rejoignez-nous alors que nous embarquons dans un voyage détaillé pour comprendre le concept de l'énergie Kundalini, l'importance de la méditation pour l'éveiller, les techniques pratiques, les précautions et les avantages remarquables de l'éveil de la Kundalini. Alors, commençons cette exploration éclairante dans les profondeurs de la méditation Kundalini. Qu'est-ce que l'éveil de Kundalini? L'éveil de la Kundalini est comme le Saint Graal des expériences spirituelles. C'est le moment où votre énergie spirituelle intérieure, connue sous le nom de Kundalini, jaillit comme une fusée de la base de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête, vous laissant un sentiment d'illumination et un nouveau sentiment de connexion divine. C'est essentiellement l'équivalent spirituel de gagner à la loterie, mais sans le prix en argent. Le lien entre la méditation et l'éveil de la Kundalini. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre la méditation et cette affaire d'éveil de la Kundalini. Eh bien, mon ami, considérez la méditation comme la rampe de lancement de votre Kundalini. C'est la pratique qui vous aide à préparer l'esprit et le corps pour ce voyage extraordinaire. On pourrait dire que la méditation est comme l'entraînement des astronautes avant de se lancer dans une mission vers les étoiles. Il vous aide à développer la concentration, la conscience et l'immobilité intérieure nécessaires pour gérer l'expérience époustouflante de l'éveil de la Kundalini. 2. Comprendre le concept d'énergie Kundalini. Explorer les origines anciennes de l'énergie Kundalini. L'énergie Kundalini n'est pas une mode New Age. Il existe depuis des siècles, issu d'anciennes traditions yogiques et tantriques. Le concept de Kundalini se retrouve dans l'hindouisme, le bouddhisme et même dans certaines branches mystiques du christianisme. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement un mot à la mode, il a une sérieuse crédibilité historique dans la rue. La nature et les caractéristiques de l'énergie Kundalini. Imaginez l'énergie de la Kundalini comme un serpent enroulé, se refroidissant juste à la base de votre colonne vertébrale. On dit que cette énergie dormante détient un immense potentiel de guérison, de transformation et d'élévation spirituelle. Lorsqu'il est éveillé par la méditation et d'autres pratiques, il s'élève à travers vos chakras, ouvrant un tout nouveau niveau de conscience en cours de route. C'est comme passer d'un téléphone à clapet au dernier smartphone, sauf qu'il est beaucoup plus époustouflant. 3. L'importance de la méditation dans l'éveil de la Kundalini. Comment la méditation aide à activer la Kundalini? La méditation est la sauce secrète qui active votre mojo Kundalini. En calmant l'esprit et en s'enfonçant profondément dans un état d'immobilité intérieure, vous créez l'environnement parfait pour que l'énergie Kundalini s'éveille et commence son ascension magique. C'est comme éteindre tous les bruits de fond pour que vous puissiez entendre votre rockstar intérieur sortir ses plus grands succès. Établir une base solide pour l'éveil de la Kundalini grâce à la pratique régulière de la méditation. Tout comme construire des abdominaux en acier ou devenir un maître cuisinier, l'éveil de la Kundalini nécessite de la pratique et encore de la pratique. La méditation régulière est la clé pour établir une base solide pour ce voyage transformateur. Tout est question de cohérence, bébé. Alors, trouvez un style de méditation qui chatouille votre fantaisie, réservez du temps chaque jour et regardez votre Kundalini se réveiller comme une licorne majestueuse déployant ses ailes. 4. Guide étape par étape pour pratiquer la méditation Kundalini. Préparez l'esprit et le corps pour la méditation Kundalini. Avant de plonger tête la première dans le monde de la méditation Kundalini, il est important de vous préparer mentalement et physiquement. Prenez quelques instants pour vous détendre, vous étirer et vous mettre en phase avec votre corps. Peut-être faire une danse idiote ou avoir une mini-séance de karaoké, facultatif mais fortement recommandé. Acceptez l'étrangeté. Mise en place d'un espace sacré pour la méditation Kundalini. Créez une petite oasis de paix et de tranquillité pour votre pratique de la méditation. Trouvez un endroit confortable où vous ne serez pas dérangé, allumez une bougie parfumée ou de l'encens et entourez-vous de choses qui vous apportent de la joie, comme des oreillers moelleux ou des images de vous-même d'animaux préférés. Faites-en un espace sacré qui vous fait sourire. Technique pour focaliser l'esprit et cultiver la conscience. Maintenant, il est temps de se mettre au travail. Choisissez une technique de méditation qui résonne avec vous. Il peut s'agir de se concentrer sur votre respiration, de répéter un mantra ou de visualiser des paysages paisibles. Expérimentez et trouvez ce qui flotte sur votre bateau. Et rappelez-vous, si votre esprit commence à divaguer, ce qui sera probablement le cas, ramenez-le doucement vers le moment présent, comme un doux berger rassemblant des pensées égarées. Intégrez le pranayama et le mantra dans la méditation Kundalini. Pour booster votre éveil Kundalini, vous pouvez incorporer du pranayama, exercice de respiration, et des mantras dans votre pratique de la méditation. Une respiration profonde et intentionnelle peut aider à faire circuler l'énergie dans votre corps, tandis que la répétition d'un mantra sacré peut créer une fréquence vibratoire qui résonne avec votre Kundalini. C'est comme commander un repas combiné avec une saveur spirituelle supplémentaire. Et voilà, mes amis chercheurs d'illumination, un petit voyage à travers le monde fascinant de l'éveil de la Kundalini par la méditation. Rappelez-vous cependant que même s'il est bon d'avoir une feuille de route, les meilleures aventures se produisent parfois lorsque vous sortez des sentiers battus. Alors, embrassez les rebondissements inattendus et laissez votre Kundalini vous emmener dans une balade sauvage et transformatrice. Bonne méditation, et que votre rockstar intérieur brille de mille feux. 5. Explorez différentes techniques de méditation pour l'activation de la Kundalini. Kundalini Yoga, un puissant chemin vers l'éveil. Le yoga Kundalini est comme le yoga ordinaire, mais avec un coup de pied supplémentaire. C'est une pratique puissante qui combine mouvements physiques, respiration, chants de mantra et méditation pour éveiller l'énergie Kundalini en vous. Cette pratique vise à libérer votre potentiel dormant et à vous conduire vers l'éveil spirituel. Méditation chakra pour équilibrer et stimuler l'énergie Kundalini. Vous avez peut-être déjà entendu parler des chakras, ces centres énergétiques de votre corps qui régulent divers aspects de votre être. La méditation chakra pour l'activation de la Kundalini se concentre sur l'équilibre et la stimulation de ces centres énergétiques. En portant votre attention et votre intention sur chaque chakra, vous pouvez éliminer tous les blocages et permettre à l'énergie Kundalini de circuler librement. Visualisation guidée et activation de la Kundalini. La visualisation guidée est une façon amusante et imaginative d'éveiller l'énergie Kundalini. En visualisant l'énergie qui monte dans votre corps, vous pouvez stimuler et réveiller la Kundalini endormie. C'est comme regarder un film dans votre esprit, mais au lieu de pop-corn, vous obtenez un regain d'énergie. 6. Défis et précautions courants dans la méditation Kundalini. Faire face à l'énergie intense et aux libérations émotionnelles. Lorsque vous commencez à travailler avec l'énergie Kundalini, vous pouvez rencontrer des sensations et des émotions intenses. C'est comme monter sur des montagnes russes d'énergie. Il est important d'être conscient de ces expériences et de leur permettre de se dérouler sans jugement. Acceptez les hauts et les bas et n'oubliez pas de faire des pauses si nécessaire. Demandez conseil à des praticiens expérimentés. L'énergie Kundalini n'est pas quelque chose avec laquelle vous pouvez vous embêter tout seul. C'est toujours une bonne idée de demander conseil à des praticiens ou à des enseignants expérimentés qui peuvent vous aider et vous guider tout au long du processus. Ils peuvent vous aider à relever les défis et à assurer un éveil sûr et fructueux de la Kundalini. Assurez le bien-être physique et mental pendant l'éveil de la Kundalini. L'éveil de la Kundalini peut être une expérience transformatrice, mais il est essentiel de prendre soin de votre bien-être physique et mental tout au long du processus. Assurez-vous de maintenir un mode de vie équilibré, de vous reposer suffisamment, de manger des aliments nourrissants et de prendre soin de vous. N'oubliez pas que la méditation consiste à trouver l'équilibre, pas à vous pousser jusqu'à l'épuisement. 7. Avantages et expériences transformationnelles de l'éveil de la Kundalini. Amélioration de la croissance spirituelle et de la réalisation de soi. L'éveil de la Kundalini peut catapulter votre voyage spirituel vers de nouveaux sommets. Cela peut ouvrir les portes à une réalisation de soi plus profonde, vous permettant de puiser dans votre véritable potentiel et de vous connecter avec le divin en vous. Préparez-vous à découvrir un tout nouveau niveau de croissance spirituelle. Connexion approfondie avec la conscience divine et universelle. Au fur et à mesure que l'énergie Kundalini augmente, votre connexion avec le divin et la conscience universelle augmente également. Vous pourriez vous sentir plus connecté à tout ce qui vous entoure, ressentir un sentiment d'unité avec le monde. C'est comme se brancher sur la source d'alimentation ultime. Transformation des états mentaux, émotionnels et physiques. L'éveil de la Kundalini peut apporter des expériences transformatrices dans vos états mentaux, émotionnels et physiques. Vous pouvez vous retrouver plus aligné avec votre objectif, éprouver une plus grande clarté d'esprit et ressentir une poussée d'énergie qui traverse votre corps. Préparez-vous pour une mise à niveau totale de la vie. 8. Conclusion, embrassez le voyage de l'éveil de la Kundalini par la méditation. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration, nous espérons que vous avez acquis de précieuses connaissances sur la pratique de la méditation Kundalini et son potentiel de transformation profonde. N'oubliez pas que l'éveil de l'énergie Kundalini est un voyage qui nécessite de la patience, du dévouement et de la pleine conscience. En incorporant les techniques et les conseils partagés dans cet article, vous pouvez vous engager sur un chemin de découverte de soi et de croissance spirituelle. Embrassez le pouvoir de la méditation pour éveiller la Kundalini qui sommeille en vous, et puisse-t-elle vous conduire à une connexion plus profonde avec votre vrai moi et la conscience universelle. Puisse votre voyage d'éveil de la Kundalini être rempli de paix intérieure, d'illumination et d'un profond sentiment d'unité. FAQ 1. L'éveil de la Kundalini par la méditation est-il sans danger? Oui, l'éveil de Kundalini par la méditation peut être sûr lorsqu'il est abordé avec des conseils et des précautions appropriées. Il est essentiel de pratiquer sous la direction d'un enseignant ou d'un praticien expérimenté qui peut apporter son soutien et relever les défis qui peuvent survenir au cours du processus. 2. Combien de temps faut-il pour éveiller la Kundalini par la méditation? La chronologie de l'éveil de la Kundalini par la méditation varie pour chaque individu. Cela peut prendre des semaines, des mois, voire des années de pratique dévouée et de croissance spirituelle. Il est important d'aborder le voyage avec patience, permettant à l'énergie de se déployer naturellement à son propre rythme. 3. Y a-t-il des risques ou des effets secondaires associés à l'éveil de la Kundalini? L'éveil de la Kundalini peut provoquer des libérations d'énergie intense et des expériences émotionnelles. Il est crucial d'être conscient de ces défis potentiels et de demander conseil à des praticiens expérimentés pour les surmonter en toute sécurité. De plus, il est important de prêter attention au bien-être physique et mental, en pratiquant les soins personnels et en écoutant les besoins de votre corps tout au long du processus. 4. L'éveil de la Kundalini par la méditation peut-il être vécu par tout le monde? Oui, l'éveil de la Kundalini par la méditation est une expérience potentielle pour quiconque se consacre à la pratique. Cependant, il est important de noter que l'intensité et la profondeur de l'expérience peuvent varier pour chaque individu. Le niveau de préparation spirituelle, l'engagement à la pratique et la préparation globale jouent un rôle dans le voyage de l'éveil de la Kundalini. Méditation pour éveiller la Kundalini. Asseyez-vous confortablement avec la colonne vertébrale droite et les mains posées sur les genoux. Fermez les yeux et commencez à respirer profondément et lentement. Visualisez une lumière blanche brillante qui descend du sommet de votre tête et qui se concentre à la base de votre colonne vertébrale. Imaginez que cette lumière blanche se transforme en une énergie serpentiforme qui commence à s'élever le long de votre colonne vertébrale. Visualisez cette énergie serpentiforme qui s'élève de plus en plus haut, en passant par chaque chakra de votre corps. Continuez à visualiser cette énergie serpentiforme qui s'élève jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet de votre tête. Restez dans cette position pendant quelques minutes, en respirant profondément et en ressentant l'énergie de la Kundalini qui circule dans votre corps. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez lentement les yeux et prenez quelques instants pour vous recentrer. Il est important de noter que l'éveil de la Kundalini peut être une expérience très puissante et intense. Il est donc recommandé de pratiquer cette méditation sous la supervision d'un enseignant qualifié et expérimenté. Voici une méthode de respiration pour éveiller la Kundalini. Asseyez-vous confortablement avec la colonne vertébrale droite et mains posées sur les genoux. Fermez les yeux et commencez à respirer profondément et lentement. Visualisez une lumière blanche brillante qui descend du sommet de votre tête et qui se concentre à la base de votre colonne vertébrale. À chaque inspiration, imaginez que cette lumière blanche se transforme en une énergie serpentiforme qui commence à s'élever le long de votre colonne vertébrale. À chaque expiration, imaginez que cette énergie serpentiforme s'étend dans tout votre corps, en stimulant les chakras et en libérant l'énergie bloquée. Continuez à respirer de cette manière pendant quelques minutes, en visualisant l'énergie serpentiforme qui s'élève et se répand dans tout votre corps. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez lentement les yeux et prenez quelques instants pour vous recentrer. Page 26, nous allons parler du prana. Page 26.